Bonsoir à tous en ce 16 août, bienvenue à une autre édition de l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Je m'appelle Jean-François Lusignan et on va être ensemble pour la prochaine heure. Pour vous donner un petit aperçu de ce que vous allez entendre, on va avoir plusieurs nouveautés comme par exemple New Senza du Stang & Poos, également du vieux matériel de Caffeine qui date du siècle passé. Et aussi au classique de la semaine, Sloan également en fin d'émission, Lower Dance et plein d'autres très bonnes choses. On va réduire un petit peu là, les micros peut-être cette semaine. La semaine dernière, on a eu un gros point d'entrevue prestation, donc un peu plus tranquille de ce côté-là cette semaine. Mais quand même, on va débuter en force avec Eternal Summers qui sont un trio de Virginie qui se trouve sur Canon Records. Leur premier album s'appelle Correct Behavior, il est sorti au mois de mai. Il est vraiment très, très bon, très estival en tout cas. Et je vous recommande aussi d'écouter la session live. C'est ça qu'ils viennent de faire avec le site Daytrotter. Super intéressant. Alors, sans plus tarder, voici Eternal Summers et la chanson Kill, You Kill, sur les ondes de la marge. C'est ISM. We'll be right back. formation de Montréal, Sheer Agony, avec She's an Artist. Et ça se retrouve sur un 7 pouces de 4 chansons sorties il n'y a pas tellement longtemps et qui ne sonnent pas super, super bien à la radio, en tout cas. Et ça concluait un segment, un premier segment pour l'émission de ce soir, assez pop quand même, en guillemets. Vous avez entendu juste avant Sheer Agony, justement, un monsieur Deepak Mantena qui travaille sous le nom de Junk Culture. C'était la chanson Oregon et ça se retrouve sur son premier album Wild Quiet qui est sorti le 31 juillet dernier. Alors maintenant, le classique de la semaine. Donc, ce soir, j'ai décidé de choisir comme classique de la semaine le premier album du groupe d'Halifax, Sloan, qui est sorti en 1993, donc qui s'appelle Smeared. Smeared, c'est ça, c'est le nom de l'album de Sloan. Et alors, tout début, Sloan était quand même... avait un son quand même assez similaire à Sonic Youth. Donc, on est en 93, donc époque encore un peu grunge, donc ce qui explique un petit peu le son sur ce premier album Smeared. Et par la suite, bon, le groupe va travailler un petit peu sur son son et un peu le nettoyer, si je pourrais dire. Ça va donner quand même des chansons rock, mais toujours un peu plus propre, comme par exemple sur l'album suivant. Il y aura la chanson Coax Me en 94, je crois, qui sera leur plus grand succès. Donc, premier album de Sloan qui est un petit peu moins connu parce qu'il y avait moins de hits et est un petit peu moins accessible. Et ce qui est particulier au sujet du groupe Sloan, c'est qu'ils sont ensemble depuis 91 et il n'y a jamais eu de changement dans le groupe. Donc, toujours les mêmes membres dans le groupe. Et autre élément particulier, c'est que les quatre membres du groupe participent à l'écriture des chansons, des paroles. Et à moins que je me trompe, les quatre chantent également sur scène et sur disque. Donc, ça fait en spectacle que souvent, on les voit changer d'instrument, ce qui est assez particulier. Alors voilà, on va écouter une chanson de cet album-là qui s'appelle, un instant, je vais retrouver le nom, donc de l'album Smear de Sloan, la chanson Two Seater. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. I'm not afraid to dans la cuisine, ça me démange. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre, ça me gêne, je peux de l'avouer. Je crois que j'ai fouillé à peu près partout, la bibliothèque, les tiroirs, même en dessous. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre, c'est tout. Au début, c'est moi qui faisais un coup. Rapide et nerveux, je regardais partout. Et pour un enfant, moi, les revues, tu y en avais beaucoup. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre, c'est tout. J'ai trouvé une photo de ton ancienne blonde, entre deux chandelles qui sentaient la lavande. Tu m'avais pourtant dit que ça faisait rien, qu'elle parte avec un vieux copain. Je crois que j'ai fouillé à peu près partout, la bibliothèque, les tiroirs, même en dessous. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre, c'est tout. Au début, c'est moi qui faisais un tour. Rapide et nerveux, je regardais partout. Et pour un temps, contre les armes à feu, il y en avait beaucoup. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre, c'est tout. Je me suis permis de te reprendre. Mon lapin de chocolat est une maman. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. C'est dommage que tu m'aies volé. Je crois que j'ai fouillé à peu près partout, la bibliothèque, les tiroirs, même en dessous. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. C'est tout. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre, c'est tout. J'ai fouillé dans ta chambre, c'est tout. J'ai fouillé dans ta chambre, c'est tout. J'ai fouillé dans ta chambre, c'est tout. Oh, caféine avec Dans ta chambre, une chanson inédite qui se retrouvait à l'époque sur la compilation de CISM, L'oreille gauche, volume 1, qui est sorti vers la fin des années 90. Et ça se retrouvait, dont cette compilation-là est sortie, je crois, l'année après le premier album de Caféine, qui s'appelait Maléduqué, mon amour. Donc, chanson exclusive que vous avez eu l'occasion probablement seulement d'entendre à CISM. Mais excellente chanson de Caféine dans ta chambre. Et c'était précédé de New Sensa, un groupe punk de Vancouver, la chanson Swim. Ils seront justement en spectacle ce samedi prochain, à la Casa del Popolo, pour promouvoir leur album Sundowning. Alors, soyez-y ce samedi, Casa del Popolo, si ça vous intéresse, New Sensa. On va continuer en musique maintenant avec, encore en fait, de la musique francophone. On poursuit avec deux autres chansons. Il va y avoir dans le prochain segment la question, mais pour commencer, Le Récif avec la chanson La Horde qui se retrouve sur un EP gratuit que vous pouvez retrouver sur leur Bandcamp, c'est sorti l'année dernière. Alors tout de suite, à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM, Le Récif, La Horde. Yeah! Toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Et au micro, avec vous jusqu'à 20h, Jean-François Lusignan. Vous venez d'entendre La Question et la chanson Cadeau. Et il semblerait, au sujet de La Question, que le groupe serait en train de travailler sur un nouvel album. Donc c'est une bonne nouvelle. Et on sait déjà que le chanteur de La Question, Simon Kingsbury, avait de son côté sorti un album solo l'année dernière. Donc c'est ce qui peut-être avait ralenti les élans de La Question, qui était même, il semblerait, en hiatus, donc en dormance au courant de l'année dernière, pour laisser toute la place à son chanteur, Simon Kingsbury, qui nous aura proposé quelque chose d'assez vraiment intéressant et très différent de La Question en même temps. Donc, ça sera à suivre, un nouveau matériel pour La Question à suivre dans les prochains mois, je pense, prochainement, peut-être en début d'année prochaine. Et on va poursuivre avec la formation d'Indianapolis qui s'appelle Stagny and Pools, les piscines stagnantes. Ce sera la chanson qui s'appelle Consistency et qui se retrouve sur leur album Temporary Room qui vient tout juste de sortir. On écoute ça tout de suite à CISM. This is the last place I'm Sand and Berries du groupe Cotton Keys. Et c'est un. Ça se retrouve sur un album qui n'est pas super nouveau. C'est sorti l'année dernière, il me semble. Il s'appelle Sweet Shop Sounds. Et vous pouvez d'ailleurs télécharger la chanson que vous avez entendue et tout l'album même au complet sur le profil Bandcamp du groupe Cotton Keys, qui est un groupe du Colorado et qui a un petit côté lo-fi là, quand même intéressant. Et on va continuer encore avec du rock, en fait, toujours du rock, parce que vous êtes à l'émission Le Terminus, qui est dédiée au rock indépendant. On va enchaîner avec le groupe Herzog, leur chanson Paul Blart and the Death of Heart. Et ce sera suivi deux autres avec Salut les copains, tout ça sur les ondes de la marge CISM. Yeah. être bien. Quelquefois je pense que tu es une chienne. De leur album Meltdown qui est sorti en février, vous venez d'entendre Mind Spiders avec Just Us Now. Et c'était vraiment très très bon. Et il ne reste seulement que 5 minutes à l'émission Le Terminus pour ce soir. On a quand même le temps pour une... Oui, c'est ça, pour une dernière chanson. Ça va être Lower Bands et leur chanson Brains qui se retrouve sur New Tropics, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, au début de l'année, hein, je pense aussi. Alors, Lower Dance Brains, on écoute ça tout de suite et après on se retrouve pour le mot de la fin.